remarquerez qu'il y a très peu d'instruments, très peu de technicité. Bonsoir, la modernité y est en forcément. D'amour, bienvenue. Cela dit, l'artiste va s'exprimer avec son talent, son talent uniquement ce soir sur cette scène. L'artiste, et si vous êtes là, c'est pour l'applaudir et encourager. Histoire de chauffer un peu l'ambiance et la salle. Bien. Vous remarquerez qu'il y a très peu d'instruments, très peu de technicité, la modernité y étant forcément, de par l'évolution des techniques. Mais cela dit, l'artiste va s'exprimer avec son talent, son talent uniquement ce soir sur cette scène. L'artiste, et si vous êtes là, c'est pour l'applaudir et l'encourager comme il se doit, c'est Stéphane Escher, mesdames, messieurs. Donc, ce que je voulais vous dire... Qu'est-ce que t'en penses, je suis bien là ? Vas-y. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce soir, l'artiste qui va rentrer sur scène dans quelques instants, que vous n'avez pas encore vu, qui est en train de se décontracter de l'autre côté, se mettre à l'aise, vous voyez, se détendre, se faire des petits massages shiatsu, des petits trucs sympas, va vous interpréter un spectacle, enfin un concert que vous n'avez jamais vu, puisque ça s'appelle... un spectacle intimiste. Jamais Stéphane Escher n'a donné ce genre de concert en France. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là ce soir, l'espace Amour? Oui. Concert unique. Unique pour vous, le trio intimiste de Stéphane Escher sur cette scène et pour une heure. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Stéphane Escher. Chemin avec ce qu'on lui a donné, mais toi, toi, toi. En concert intime. C'est une exclusivité Europe 2. Merci, merci. Un jour, pourquoi pas, Je m'excuse pour ça parce que on est en tournée et il y a une quarantaine de personnes qui s'occupent de moi. Une trentaine qui accordent mes guitares. Les autres s'occupent de mes cinq éléphants que j'entraîne toujours avec moi. Et là, je le fais toute seule. Ça sonne comme ça. C'est accordé là, les musiciens dans la salle. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. n'est pas vrai. Ta simple présence, c'est tout ce que j'ai. Tout ce qui nous fait pas, tout ce qui nous est fait, ce qui nous sert le cœur, comme en secret. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Non, rien à voir avec toi et moi. Avec toi et moi. Programme Le meilleur des concerts, Stéphane Escher. Une musique classique maintenant. Merci beaucoup. Merci, merci. Normalement, dans le répertoire qu'on joue dans des salles prestigieuses comme chez vous ici, il y a un moment qu'on joue une chanson en allemand qu'on a enregistrée mais jamais sortie. Le refrain, c'est comme ça. Hop là! Voilà, normalement on joue ça, mais je m'excuse pour tous les réalisateurs de la radio qui sont maintenant vraiment emmerdés parce que je joue une chanson qui n'est pas prévue. Derrière mon dos, il y a Laurent qui fait pssst, qu'est-ce qu'on va faire là? Ça va être quelque chose. Non, c'est. J'aime bien vous jouer une chanson qu'on a écrite dans une nuit, Achim et moi. Chez moi, et c'est un texte que j'ai reçu, je ne sais pas comment la dame ou le monsieur il s'appelle, je ne sais pas quel âge il a, je sais seulement qu'il a le, même pas le virus du sida, qu'il est vraiment atteint de la maladie, et quelqu'un a une idée pas mal je trouve, c'est que des gens qui ont vraiment la maladie, qui donnent des textes à des chanteurs. Et un de ces textes, on a mis en musique, et c'est pas enregistré. Si ça vous plaît, on va le mettre sur cette compilation qui va sortir bientôt. On va vous chanter cette chanson. J'espère que je vais pas trop de fautes dans le texte parce que je le connais pas par cœur pour le moment. Monsieur le réalisateur, c'est piano, guitare et dobro. Laurent, c'est en do, ré, mi, fa, sol. C'est en sol. Tu improvises? Ou tu veux prendre la guitare comme ça? Oui. Merci. Stéphane Echer sur Europe 2 jusqu'à 21h. conscient, tu t'es toujours trompé. Non, ne t'excuse pas trop vite. Ne t'excuse pas trop vite. D'accord qu'il a fait. On trouve ça vraiment... Je ne sais pas les mots. Qu'est-ce que tu trouves, Laurent? Mais lui, il adore ce... Le refait pour le public ici. Ouais. Avec un peu de chanson et puis tu fais l'accord. Mais pire, hein? Non, tu le fais pire, là. Vous avez quelque chose à boire, mesdames et messieurs? On est entre nous, hein? Ils ont soif, mesdames, messieurs, on peut servir quelque chose à boire parce qu'on se sent vraiment comme dans une petite barre de striptease. S'il continue de jouer comme ça, il va se déshabiller. Regardez les étoiles sur son piano. Déshabille-toi. Viens, vous voulez, hein? Cette fois, je ne lui annonce pas la dernière. pour Noël. Et attendez rien, et là j'en ai rien. Et les larmes sont rêves, et c'est les mêmes refrains. Un sac en plastique et une vedette de la télévision et de la radio. Oui, mais il faut plus. Mais montez sur scène si vous avez un sac. Viens. Mais venez. Autour du microphone, mesdames et messieurs. Parce que... D'accord. La carne est contre nos bras. plastique. Un mot pour ceux qui nous écoutent, forcément c'est un truc un peu particulier, c'est un chant traditionnel classique de Suisse allemande qui s'appelle Eg. Et agréablement, Stéphane a proposé à certains d'entre vous, auditeurs d'ailleurs d'Europe 2, de monter sur scène, de prendre un sac en plastique. Il suffit de prendre un sac en plastique de sa main gauche et de sa main droite, de mimer le mouvement des applaudissements et de suivre, d'essayer de suivre ce rythme endiablé qu'est Eg. Bitte. Ça veut dire chenille. Comme vous savez, c'est plus sûr couvert, non? Avec des sacs en plastique. Ils sont un peu grands, mais il y a des modèles plus petites. Et voici une autre chanson traditionnelle suisse qui s'appelle... Peut-être vous connaissez la version en anglais de cette chanson suisse de AC/DC qui s'appelle Highway to Hell. Mais on joue la version suisse qui s'appelle... Road to Paradise, pas tout à fait. Mais vous savez, dans mon langage, il y a plein de choses. Les mêmes mots qui veulent dire des choses différentes ou même les mêmes choses. Il y a par exemple LA, Los Angeles, LA. Chez moi, LA, ça veut dire toute seule. Il y a même des noms qui font du sens chez nous. Johnny Depp. Chez nous, un Depp, c'est un idiot. Pardon les filles, mais c'est dans mon langage. Et highway, ça veut dire chez nous mal de pays, highway. Et voilà cette vieille chanson suisse traditionnelle qui s'appelle Highway nach der Hölle. Stéphane Escher, l'espace Amour, merci. Merci à vous. Attends, je reviens. Je vais voir, je vais voir. C'est la première fois que ça arrive, ça aussi. Je vais voir et je reviens.